Voilà, chers amis, bonsoir. Nous poursuivons notre prédication de carême. Vivre et mourir dans le Christ. Dans notre vie comme dans notre mort, nous appartenons au Seigneur. On veut vivre pendant ce temps de carême, cette série de prédications, pour mieux accueillir tout ce à quoi nous prépare le carême, pour mieux accueillir ce mystère du salut, autour de la vie et de la mort. Dimanche dernier, souvenez-vous, nous avons médité, parce que l'Écriture nous proposait comme texte, à partir du récit de la Genèse, l'entrée dramatique de la mort dans le monde. Ce n'était pas prévu, ce n'était pas le plan de Dieu qui avait fait pour nous une création tourner vers le bonheur éternel et la jouissance de la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on est fait, fondamentalement. Et d'ailleurs, on porte encore en nous cette petite nostalgie d'éternité lorsqu'on voit et qu'on porte en nous ce désir de vivre éternellement. Aujourd'hui, on voit des gens qui ne veulent plus vieillir, qui font tout pour rester jeunes comme s'ils allaient être éternels. Il y a ce désir d'éternité qui est comme cette nostalgie de l'Éden qui est présente dans notre cœur. Mais il y a eu, nous l'avons entendu, cette mauvaise nouvelle, c'est que oui, eh bien, par l'orgueil, par le péché d'Adam, la mort est entrée dans le monde. Elle est entrée. Elle n'y était pas, elle est entrée. Saint Paul le dit très bien dans la lettre aux Romains, il parle de cette entrée de la mort dans le monde par le péché. Il parle même de l'empire, du règne de la mort et du péché. C'est comme un règne qui vient gruger cette réalité de la création. Et nous sommes aujourd'hui baignés dans cette réalité d'un monde blessé par le péché, la réalité de la mort. Nul d'entre nous n'y échappe. Et notre vie porte aussi cette séquelle. Autant il y a cette nostalgie d'éternité dans notre cœur, autant il y a aussi cette séquelle de la faute originelle, du premier péché des origines, qui fait que notre vie est marquée par le défaut, le péché, la souffrance, la mort, qui nous affecte, la faiblesse, la fragilité psychologique, l'inclination au péché, tout ce règne-là dont on s'accommode, on vit avec, parfois on s'en rend même plus compte, mais c'est une réalité douloureuse. Aujourd'hui, l'Écriture nous donne une vision, la vision de Pierre, Jacques et Jean, la vision au mont Tabor, cette vision de la transfiguration. C'est la bonne nouvelle. Si on a été capable dimanche dernier de regarder cette réalité qui n'est pas belle, du péché et de la mort dans le monde, c'est parce que nous portons dans notre cœur cette vision de la transfiguration. Jésus transfiguré. L'Évangile nous le décline ainsi, nous le décrit ainsi. Jésus qui a un visage brillant comme le soleil, des vêtements resplendissants de lumière. Il y a cette nuée lumineuse qui couvre le sommet de la montagne et cette voix, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Pour ceux qui connaissent l'Écriture, c'est tous les ingrédients de ce qu'on appelle une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui s'appellent Théophane parmi nous? En tout cas, c'est un beau prénom, ça veut dire manifestation de Dieu. S'il y a des femmes enceintes qui cherchent un prénom pour leur futur fiston, je vous suggère Théophane, c'est très beau. Manifestation de Dieu, c'est ce qui se passe à ce moment-là, de cette transfiguration. Jésus nous donne la vision en lui-même de la présence de Dieu au milieu de ce monde abîmé par le péché et la mort. C'est ça la transfiguration. C'est Jésus qui apparaît et montre que Dieu ne dédaigne pas la création abîmée par le péché et la mort. Il y a eu déjà des théophanies dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, Moïse qui va voir au buisson ardent, Élie qui va voir Dieu de par derrière, ou encore Ézéchiel qui verra la gloire de Dieu dans le temple. Mais c'est jamais un face-à-face, jamais on ne voit la face de Dieu. Mais ici, dans la transfiguration, on voit le visage de Jésus rayonnant. Cette bonne nouvelle nous est annoncée là. Dieu ne dédaigne pas cette création blessée. Dieu se manifeste là, dans cette création abîmée. Évidemment, pour nous, la question qui se pose, c'est comment ? Comment aujourd'hui goûter à cette vision ? Comment cette vision va nous rejoindre dans notre vie ? Comment la vision de la transfiguration jaillit dans notre vie ? Eh bien, il me semble que Jésus va le montrer par un petit geste qu'il pose juste après cette transfiguration. Les disciples, les trois qui sont montés avec Jésus, Pierre, Jacques et Jean, au moment où la voix surgit du ciel, sont atterrés. Parce qu'ils ont compris, là, malgré tout ce qui se passait, le visage lumineux, les vêtements blancs, la nuée, tout ça, là, ils ont dit, « Oh Seigneur, c'est vraiment Dieu qui se manifeste à nous. » Or, ils savent que quand on voit Dieu, qu'est-ce qui se passe ? On meurt. Moïse ne pouvait voir Dieu face à face. La tradition de l'Ancien Testament nous disait, on ne peut voir Dieu face à face sans mourir. Donc ils sont atterrés, ils disent, ça y est, c'est fini pour nous. Sauf que Jésus vient les relever. Jésus s'approche d'eux, les touche. Il les touche pour leur montrer que c'est bien réel ce qui se passe là. Il les touche. Et il leur dit, levez-vous, relevez-vous. En grec, c'est même réveillez-vous. C'est le même mot que ressusciter, se réveiller, réveillez-vous, levez-vous d'entre les morts. Et à ce moment-là, les disciples, oui, vont se relever. Ce geste, cette parole que Jésus va réaliser, me semble-t-il, sont significatifs des sacrements. Les sacrements qui nous donnent une parole de Dieu et qui nous touchent. Tous les sacrements contiennent une parole de Dieu et un geste de Dieu, tous. Et spécialement le premier, le tout premier généralement qu'on reçoit dans notre vie, le sacrement du baptême. Le baptême. Le baptême, c'est ce moment où Jésus vient nous chercher. On est tout petit, il nous touche et il nous dit « Éveille-toi, éveille-toi, viens à la vie. » On dit du baptême que c'est le porche de la vie dans l'esprit. Ce n'est pas la porche de la vie dans l'esprit, même si la vie dans l'esprit peut avoir quelque chose de luxueux, dans le sens où c'est confortable, parce que c'est la vie dans l'esprit. C'est le porche, l'entrée. L'entrée de la vie dans l'esprit. Lorsque je vis mon baptême, je sors, je décide et je reçois la grâce de sortir de l'empire, du règne de la mort. Et j'entre dans une autre vie, un autre règne, le règne de l'esprit. C'est le ticket pour le royaume de Dieu. Tous les péchés sont remis, toutes les peines, tous les liens, tous les esclavages sont remis. Il n'y a plus rien qui m'empêche d'entrer dans cette vision, dans cette relation avec Dieu au milieu de ma vie. Et les effets du baptême, on reçoit des grâces spéciales. À notre baptême, on reçoit des grâces spéciales. On reçoit la grâce de croire, la grâce d'aimer et la grâce d'espérer. Ce sont des grâces, on appelle les grâces théologales. Elles sont orientées vers Dieu, elles viennent de Dieu. De croire profondément, le don de la foi. Ce n'est pas une persuasion intellectuelle, c'est un don. D'aimer, on sent bien que l'amour, ça ne vient pas seulement de nous, c'est plus fort que nous. Et d'espérer. De voir au-delà de ce que notre monde nous montre. On reçoit aussi le don de vivre sous la motion de l'Esprit Saint par le don du baptême. Quand on en a besoin de cet Esprit Saint, cette motion de l'Esprit Saint, parce qu'il y a encore ce combat, il y a encore ce dur combat dans la vie de ce monde qui est baigné d'ombre et de lumière. Et on reçoit enfin la grâce de croître dans les vertus morales, voilà, de grandir en vertu. Puis il y a une autre grâce que je voudrais souligner du baptême, parce que c'est une grâce qui est tellement contemporaine et dont on a tellement besoin. Nous ne sommes plus seuls. Par le baptême, nous ne sommes plus seuls. Combien notre monde souffre de solitude et combien les outils les techniques, les technologies dont nous possédons, le règne de la technologie, pour parler avec un mot du pape François, cette technocratie, le pouvoir de la technologie, combien ce pouvoir-là nous rend seuls ? Sous prétexte de nous relier, en fait, il nous rend seuls, il nous isole, il nous coupe les uns des autres. Combien nous avons besoin de ne plus être seuls. Eh bien, dans le baptême, nous recevons cette grâce d'appartenance au corps, à un corps, au corps du Christ, à une famille, à l'Église. Nous ne sommes plus seuls, nous appartenons à un projet immense. Nous entrons dans la construction d'un édifice qui est plus grand même que ce qu'on peut imaginer. On entre dans un projet enthousiasmant. Alors, comment ça fonctionne ? Ça, c'est pour nous donner le goût du baptême. D'ailleurs, qui a été baptisé parmi vous ? C'est une question bête, hein ? Je sais, mais c'est juste pour qu'on se rappelle que... Est-ce que vous vous souvenez quelque chose de votre baptême ? Ah oui, là, il y a un baptisé adulte, probablement. Ou est-ce qu'il y en a pour les autres qui se souviennent de la date de leur baptême ? Bon, il y en a quelques-uns. C'est ceux qui ont préparé leur confirmation ou qui vont bientôt se marier, peut-être. La date de notre baptême. Le jour où Jésus est venu nous toucher et nous éveiller. Lève-toi, éveille-toi, viens à la vie. Eh bien, ce jour-là, ce jour de notre baptême, on a été plongé. Baptizein, en grec, c'est plongé. Plongé dans quoi ? Ben, dans l'eau. Mais surtout plongé dans la mort de Jésus. On est enseveli avec le Christ. C'est ça qui est incroyable dans le baptême. Saint Paul nous le dit dans la lettre aux Romains. Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Il y a quelque chose de nous qui a été cloué sur la croix. Notre être entier a été renouvelé. Il y a quelque chose de nous qui est mort pour renaître. Il y a quelque chose de nous qui a accepté de se laisser complètement faire par le Seigneur, de se laisser complètement refaire par Dieu pour mener une vie nouvelle. Et c'est tout ce symbole de la croix et de la croix qu'on accueille ce soir de manière toute spéciale. À la fin de l'évangile de Matthieu, Matthieu 28, 18, Jésus nous dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Enseignez-leur tous les commandements et moi je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. » Baptisez-les. Jésus veut que cette grâce du salut se communique par le baptême. Et comment est-ce qu'on baptise ? On baptise avec le signe de la croix. La croix, ce lieu d'expérience de la mort. Ce symbole de la croix, c'est l'expérience de la mort, de l'abandon, de la descente, de laquelle jaillit une vie que Dieu donne, une vie nouvelle, une vie renouvelée. Cette croix, d'ailleurs, me semble-t-il, le montre bien. C'est une croix fleurie, si vous avez remarqué. Elle a des petites tulipes. Moi, je vois des tulipes. Elle a des fleurs, en tout cas. On voit des fleurs qui jaillissent des quatre côtés, des quatre bras de cette croix, des lieux de la souffrance, des lieux des blessures, des lieux où les clous ont été plantés. Ça fleurit. C'est la vie qui est là. Nous voyons aussi cette spirale qui, me semble-t-il, nous montre quelque chose de notre vie chrétienne. Nous ne tournons pas en rond dans notre vie chrétienne. On a l'impression que c'est tous les ans la même chose. C'est le carême, ah là là, tous les ans pareil. Et puis après, ben oui, ça va commencer, et puis c'est chaque année la même chose. Non, on monte, ça revient, mais on n'est plus au même point. On s'est élevé d'année en année. Cette spirale qui monte, qui a pour sommet la croix, c'est la source de la vie. À la fin de cette célébration, ceux qui le voudront pourront venir vénérer cette croix. Cette croix, nous l'aurons aussi avec nous encore mercredi soir, au cours de la soirée de prière, où il y aura une soirée toute spéciale autour de cette croix. C'est une croix de vie. C'est une croix qui nous donne la vie. Mais il s'agit pour nous d'accepter, dans notre vie comme dans notre mort, d'appartenir au Seigneur Jésus. Peut-être que c'est la grâce à demander pour ceux qui viendront prier devant cette croix, au pied de cette croix, la grâce dans leur vie, dans toute leur vie, et la grâce dans leur mort, d'appartenir au Seigneur Jésus.